La musique orphique, comme la pensée philosophique, ont peur. Elles ne veulent pas de la haute mer. Elles redoutent de s'égarer, de plancher, de quitter les groupes, de mourir. De même, les psychanalystes et l'analyste, bras et jambes immobilisés, l'un dans son fauteuil, l'autre sur son lit de douleur, écoutent, parlent. Ils ne sautent pas hors du groupe, ils ne sautent pas hors du langage, ils ne quittent pas le navire. Ils le sentent peut-être dans la cale, mais ils ne sautent pas dans la mer. Boutès monte sur le pont et saute. Là où la pensée a peur, la musique pense. Là où la pensée a peur, la musique pense. La musique qui est là avant la musique. La musique qui sait se perdre n'a pas peur de la douleur. La musique experte en perdition n'a pas besoin de se protéger avec des images ou des propositions, ni de s'abuser avec des hallucinations ou des rêves. Pourquoi la musique est-elle capable d'aller au fond de la douleur? Car elle est ici. Le chant qui s'étend avant la langue articulée plonge, simplement plonge, plonge comme Boutès plonge dans le deuil de la perdue. Qui a le courage de se rendre au bout du monde de la tristesse? La musique. Il ne faut pas consulter au fond de soi que l'immédiate tendresse que quelques sons qui se suivent l'avant lèvent à nouveau. Ces rythmes se sont liés au cœur avant même que le corps connaisse la souffle. Ce lien ne se dénouait pas. Là où la pensée a peur, la musique pense. musique touche beaucoup plus que l'audition dans les corps de l'auditeur. Qu'est-ce que c'est la musique, la danse? Or, qu'est-ce que c'est la danse? C'est la douleur. C'est le désir de se lever de façon irrépressible. Qu'est-ce que c'est la musique originaire? Qu'est-ce que la musique originaire? Le désir de se jeter à l'eau. Se jeter à l'eau? Oui. Thank you. Pasa. Vaya. Igual. Segundo.